Troisième album, c'est pour mettre la table à mon nom. Je vois qu'il y a moins de monde autour de moi depuis que je commence à dire non. Fermer sa gueule, c'est pas plus mal quand le silence en dit long. L'ingratitude, l'hypocrisie, je déteste toujours ceux qui l'ont. Je connais plus de sale vie, je le dis donc sale vie. Mentir, c'est sale vie. À celui que je donne, crois-moi, j'oublie jamais son sage vie. J'ai comment te faire redevenir sage vite. L'argent hélène, mais faudra faire du sale en parallèle. Dans leurs oreilles, l'armée sera toujours soignée par le miel. Y'a la guitare des Congolais, y'a la guitare du Banks. Tout le monde sait danser sur les notes de la guitare du Banks. Ils sont tous de speak quand y'a un billet à prendre. J'ai donné 10 000, 20 000 façons à m'apprendre. J'suis plus chez moi, le temps que je perds, personne le rendra. C'est pour la mif, non pour l'oseille, la mif atteint. Pour célébrer ce que j'ai pas dit, yeah. We love, we love, we love, we love, we love, we love, we love. Maman me l'avait dit, t'as réussi trois de tes amis, tes pires ennemis, yeah. Tout le monde attend l'arrivée, y'a que moi qui pue la transpi. Personne n'est chaud pour y aller, j'effacerai vos noms de ma story. D'aller, d'aller, d'aller, d'aller. Je me parle tout seul, comme si j'avais le choix d'arrêter. Le game est pire que mauvais, salam, je suis bien élevé. Ça veut me voir tomber, pourquoi pas, ça fait pas de mal de rêver. Et de l'ego, c'est justifié, j'ai fait ce qu'ils n'ont jamais fait. J'ai mis les buts pour mon équipe avant le dernier coup de sifflet. Y'a plus de 50, 50. Tu donnes tout, merci. Le savoir est une arme. Je sais qu'il me faut une arme. Ils sont tous de speak quand y'a un billet à prendre. J'ai donné 10 000, 20 000 façons à m'apprendre. Je suis plus chez moi, le temps que je perds, personne le rendra. C'est pour la mif, donc pour l'oseille, la mif atteint. We love, we love, we love, we love, we love, we love. La vie va trop vite, tout le monde n'est plus là pour célébrer ce que j'ai pas dit, yeah. We love, we love. De tes amis, tes pires ennemis, yeah. Nous avons connu la faim et la misère, la douleur et la souffrance. Nous avons traversé l'orage et l'ouragan, la tempête et la sécheresse. Mais cela n'a pas suffi pour nous arrêter, et aucun obstacle fut une excuse valable pour arrêter le combat. Car, comme le Cullinan, nous avons décidé d'émerger au grand jour. Es-tu un Cullinan, toi ?